compagnie de Philippe Zarca et Daniel Kuhn, on s'interroge et on s'intéresse à l'astrologie. Ce que vous nous expliquez quand même, c'est finalement ce qu'est une science. Ça oblige à préciser ce qu'est une science par rapport à l'astrologie. Et ce qui pose problème, c'est le jour où l'astrologie décide de ressembler à une science. Alors, est-ce que ce n'est pas fondamentalement là le problème, Philippe Zarca, c'est-à-dire cette espèce de légitimité que veulent un certain nombre d'astrologues à travers la science? Est-ce que la science pourrait, d'une certaine façon, dans cette optique-là, être vue comme une science naturelle? C'est-à-dire, effectivement, la revendication de scientificité en fait, de l'astrologie, c'est à la base, on va dire, du problème entre astrologue et scientifique. Cela dit, à part être scientifique, je suis aussi citoyen, et j'ai un problème avec l'astrologie du fait de son attitude par rapport à la société. Donc, en tant que scientifique, effectivement, on peut avoir des réserves quant à l'astrologie, parce que, justement, on pratique tous les jours... enfin, pour la pratiquer tous les jours, on sait que la science, finalement, c'est avant tout, comme je disais, une méthode, en fait, une démarche qui doit respecter certaines règles, notamment pour établir les preuves des phénomènes et pour les tester. Et, en fait, en suivant cette démarche, en fait, de preuve, on arrive ensuite, à partir de la science, par exemple, des sciences dures, enfin, donc des sciences physiques, on arrive ensuite à la technique. Et la technique permet d'avoir des applications utilitaires qui sont assez efficaces. Bon, certaines sont assez délétères, mais disons que l'avion, le téléphone, tout ça, c'est assez efficace. Il n'y a pas de démarche comparable, en fait, de l'astrologie qui permette à arriver à des applications, dans la mesure où, finalement, l'astrologie produit des prédictions, mais ces prédictions marchent suffisamment mal pour que 3000 ans après, on soit toujours à essayer de prouver que les prédictions marchent. Bon, on n'est pas en train d'essayer de prouver que les avions peuvent voler. Ils volent et ils sont exploités depuis très longtemps. Quand l'IMCCE vous donne la date, l'heure et le lieu des éclipses de soleil, par exemple, avec leur durée, vous pouvez y aller, faire vos bagages, prendre votre billet et y aller. L'éclipse va bien se produire à ce moment-là. Bon, il y aura peut-être des nuages, c'est la seule chose. Mais à part ça, elle va bien se produire là. Elle ne va pas se produire peut-être une fois de temps en temps. Bon, et c'est effectivement cette problématique qui va se poser par rapport à l'astrologie. Et là, les astrologues ne jouent pas le jeu, si je puis dire. Ils n'acceptent pas les règles. Alors, tous les astrologues ne revendiquent pas un statut de science pour leur pratique. Beaucoup d'astrologues, en fait, en font une démarche symbolique, poétique. D'ailleurs, ils ne sont pas du tout d'accord les uns avec les autres. Alors, on peut comprendre certains astrologues qui revendiquent un statut de science, parce que le statut de science, d'abord, donne une certaine légitimité, dans la mesure où, du fait de ses succès et puis de ses applications, force est de reconnaître que la science, malgré tout, n'a pas mauvaise presse dans la société. Je dis malgré tout parce que, bon, il y a des applications qui sont critiquables, mais qui sont des applications, qui ne sont pas la science, mais ce qu'on en fait. Alors, malgré tout, il y a eu des études sociologiques, notamment par des gens du CEVIPOF, en fait, Bois et Michelat, qui ont montré que la plupart des gens, en fait, ont une attitude positive par rapport à la science. Et donc, cette attitude positive, eh bien, les astrologues aimeraient bien la récupérer. Par ailleurs, si c'était reconnu comme une science et que ça puisse revendiquer un statut académique, eh bien, évidemment, il y aurait des postes budgétaires financés par l'État pour de la recherche en astrologie, pour une activité d'astrologie. Mmh. Bon. Oui, on peut dire aussi que dans la mesure où vous accréditez l'idée que l'astrologie est une science, vous pouvez l'instrumentaliser. Vous pouvez en faire, on peut justifier Astroflash, vous savez, c'est horoscope par ordinateur, parce que ça devient un objet en tant que tel. Alors qu'en réalité, d'autres astrologues, il faut le reconnaître, se défendent de cela, n'en font pas de leur pratique une pratique commerciale, s'intéressent à ce que l'on appelle l'astrologie savante, ils essaient de comprendre dans quelle mesure, bon, c'est leur truc, hein, nous, ça ne nous concerne pas, mais ils fonctionnent comme ça, n'essayant pas de prévoir, de prédire, mais voilà, donc de s'interroger sur les rapports entre l'homme et le ciel, disons. Donc il y a une différence là de très importante. Et alors, c'est là que c'est très dangereux, parce que si l'on admet l'idée que l'astrologie est une science, alors évidemment, on peut s'en servir comme critère d'embauche, et d'ailleurs c'est fait dans certaines entreprises, voilà, et on s'en sert vraiment comme un outil de manipulation. Et c'est là que ça devient grave. Voilà, Philippe Zarca, sociologie. Philippe Zarca dit que c'est un problème aussi en tant que citoyen pour la société. Est-ce que c'est ce que vous vouliez signaler, c'est-à-dire l'arrivée de l'astrologie dans la sélection des candidatures à un poste, dans les assurances automobiles, dans les consultations qui sont en fait hybrides entre psychologie et astrologie, où finalement, comme l'ont très bien analysé Daniel Kuhn et Édouard Collot, en fait, où la relation du client avec l'astrologue est très différente de celle avec un psychologue, puisque l'astrologue est censé être cautionné par le déterminisme des positions planétaires. C'est plus qu'une écoute, c'est une compétence, en quelque sorte. Absolument. Qui est mise à disposition du client, du patient. L'astrologue détient le pouvoir, détient le savoir, et donc le pouvoir sur son client. C'est prescriptif, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un astrologue dit ceci, vous pouvez avoir d'ailleurs des comportements dans la vie qui tendent à mettre en pratique ce qui vous a été dit en séance. C'est ce qu'on appelle la prédiction autoréalisante. Et ça peut parfois être très grave, ça dépend de ce qu'a dit l'astrologue. S'il a dit, écoutez, surtout ne vous mariez pas, ça va être terrible pour vous, vous pouvez très bien, ou l'inverse. Vous pouvez très bien induire des comportements qui sont... Alors on peut imaginer aussi que certains psychologues font très mal leur travail, mais en principe... Le psychologue, le psychiatre ou le psychanalyste a une formation qui lui interdit d'avoir ce genre de rapport avec son client. En fait, ils sont borderline partout. Ils sont très borderline. Est-ce que l'astrologie est dangereuse? Elle peut être dangereuse, bien sûr, puisque si vous êtes crédule vis-à-vis de ce que l'on vous dit, puisque ça repose sur des postulats qui ne sont pas vérifiés et qu'on sait qu'il n'y a absolument aucune relation entre le ciel et nous, et alors que c'est là-dessus que sont fondées les prédictions. En revanche, dans l'astrologie, dans la grille de lecture entre guillemets des astrologues, il y a l'homme. Donc il arrive que l'astrologue soit quelqu'un d'assez fin, d'assez intéressant, d'assez intelligent, qui dise des choses sensées, le dit d'ailleurs un sage ou un psychologue. Après vous avoir posé la question du danger, je vais aussi vous poser la question du plaisir. C'est un plaisir pour tout le monde au café le matin de regarder ce que l'horoscope dit de sa propre journée, et quelque part c'est drôle, c'est une fiction. On ne va pas aussi cinéma voir des vampires parce qu'on croit aux vampires. Absolument. Mais parce que pendant 2 heures on va voir des vampires et ça va nous amuser. Donc il y a aussi ce que je crois un sociologue du CNRS appelait un bien de salut, ou en tout cas Edgar Morin, une croyance clignotante. Le jeu social de l'astrologie. C'est Edgar Morin qui parlait de ça. Ouais. Oui, le jeu social lié à l'astrologie, effectivement, n'est pas du tout critiquable. Encore une fois, on n'est pas du tout dans les démarches de manipulation, de commerce, des choses comme ça. Donc oui, certes. Bon. Par ailleurs, je pense que c'est pareil pour Daniel, mais je voudrais quand même faire passer l'idée que la réflexion qu'on a menée sur l'astrologie, en ce qui me concerne, n'est pas du tout une croisade où l'astrologie représenterait le mal absolu. Personnellement, je trouve que la mondialisation financière, par exemple, fait beaucoup plus de mal que l'astrologie, hein, globalement. Mais simplement, il se trouve que c'est un sujet, d'abord qui, au moins en apparence, a des liens avec l'astronomie, donc on avait un certain intérêt, une certaine légitimité pour en parler. Et puis, ça suscite un questionnement, effectivement, comme on l'a dit, sur la science, sur quelles sont les différences, finalement, entre la démarche scientifique et l'astrologie. Et ça peut encourager, en quelque sorte... Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est... J'ai cité un peu volontairement la mondialisation financière juste avant. Finalement, quand on se pose des problèmes sur le fonctionnement du monde, de l'économie, sauf à rester bras ballants comme une victime, on a intérêt à se documenter, à essayer de comprendre quels sont les mécanismes, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut proposer. Mais là aussi, j'ai l'impression que vis-à-vis de l'astrologie, je pense qu'il faudrait encourager les gens, et c'est moi ce que j'essaie de faire, à s'informer, se forger une grille, un esprit critique, une grille d'analyse, à essayer de comprendre l'origine des phénomènes, la science, etc. Oui, on peut imaginer, on peut prendre les choses autrement, on peut se dire pourquoi ça fonctionne. Parce que finalement, il y a, par analogie, on constate dans la nature des choses qui se rapportent à nous, on fonctionne de la même manière, il y a des cycles. Un astre se lève, il culmine. Vous voyez, donc ça ne veut pas dire pour autant que Jupiter, dont il était question, va réellement exercer cette influence sur nous. Mais je pense que l'homme a eu besoin de faire de fonctionner sur ces analogies-là. Or, pour lui, c'est important de savoir qu'il y a les naissances, il les constate, les décès, il les constate. Il constate aussi ce que ça veut dire qu'être au zénith, symboliquement, ça veut dire quelque chose, on en parle tout le temps. Donc, c'est pour ça que vous retrouvez toutes ces notions-là. La manière de caractériser l'être humain est très très bien décrite dans n'importe quel manuel d'astrologie.